dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou et un soir tout claqué d'un seul Herbert Léonard sur RGM, un peu plus de 8h37. On passe aux anniversaires. Ils sont nés un 25 février 1935, naissance de Pépé, footballeur, ancien footballeur brésilien qui a remporté notamment la Coupe du Monde en 1958 et 62 avec l'équipe du Brésil. 1942, naissance de Karen Gressel, actrice américaine connue pour son rôle de Caroline Ingalls dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. 1945, naissance d'Herbert Léonard, chanteur français. 1946, naissance de Jean Todt, ancien copilote de rallye français, devenu d'abord directeur de Peugeot Talbot Sport en 1981, puis directeur de l'écurie de Formula Scuderia Ferrari en 93, avant d'être nommé directeur et administrateur de Ferrari de 2004 à 2008. Et il est depuis le 23 octobre 2009 président de la Fédération internationale de l'automobile. 1957, naissance de Régis Laspalès, humoriste et comédien français, connu pour son duo comique, hein, Chevalier et Laspalès, aux côtés de Philippe Chevalier, vu dans Le Paris ou encore Ma femme s'appelle Maurice dans le rôle de Maurice Lapin. 1966, naissance de Théa Léoni, actrice américaine connue pour son rôle de Julie Mott dans le film Bad Boys, vue également dans Deep Impact dans le rôle de Jenny Lerner, Jurassic Park 3 dans le rôle d'Amanda et Kirby. Allez, on continue. 1968, naissance de Sandrine Kiberlin, actrice française, vue dans En avoir ou pas dans le rôle d'Alice, récompensée du César du meilleur espoir féminin, Le Petit Nicolas, Les Femme du sixième étage, Police dans le rôle de Madame de la Faublaise, Neuf mois ferme dans le rôle d'Ariane Felder, César de la meilleure actrice, Pupille dans le rôle d'Alice et Mon bébé dans le rôle d'Héloïse. 1971, naissance de Sean Astin, acteur américain vu dans Les Goonies dans le rôle de Mickey Walsh, la trilogie du Seigneur des Anneaux dans le rôle de Sam Sagas et Gamgee, et à la télévision dans la série télé 24 heures chrono dans le rôle de Lynn McGill. C'est également l'année de naissance de Daniel Potter, chanteur canadien. 1973, naissance d'Hélène de Fougerolles, actrice française vue au cinéma dans La Reine Margot, La Cité de la Peur, Le Péril Jeune, La Plage, Fanfan la Tulipe, et vu à la télévision dans Le Collège des Cœurs Brisés, alors ça date pas d'hier, la mini-série Le Secret d'Élise, Balthazar, hein, aux côtés de Thomas Sisley où elle incarne Hélène Bach, et elle sera bientôt à l'affiche du téléfilm Coup de Foudre A, et cette fois-ci ça se passera à l'île Maurice, et on devrait avoir ça sur nos écrans cette année. Elle incarnera le rôle de Doria. 1975, naissance d'Alvaro Morte, acteur espagnol connu pour son rôle d'El Professor, le professeur en français, dans la série La Casa de Papel. 1985, naissance de Joachim Noah, basketteur américain d'origine franco-suédoise, fils de Yannick Noah, qui de 2007 à 2016 a joué pour les Chicago Bulls, de 2016 2016 à 2018 pour les Knicks de New York. La saison dernière, il a joué pour les Grizzlies de Memphis et là, eh bien, il est libre. Il n'a actuellement pas de club. 1986, naissance de Justin Berfield, acteur américain connu pour avoir joué Reese, le frère de Malcolm dans la série du même nom. C'est également l'année de naissance de James et Oliver Phelps, acteurs britanniques connus pour avoir joué les rôles de Fred et George Weasley dans les films Harry Potter. 1994, naissance de Jenny Bouchard, joueuse de tennis canadienne, professionnelle depuis 2011. Son meilleur classement WTA, c'est la 5e place atteinte en 2014. Elle a été une fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros et 8e de finaliste à l'US Open. Et on termine les anniversaires avec en 1997 la naissance d'Isabelle Fuhrman, actrice américaine qui a incarné Carrie Jackson, la sœur de Percy Jackson dans Percy Jackson le voleur de foudre et Percy Jackson la mère des monstres et vue également dans Hunger Games dans le rôle de Clove. Allez tout de suite, nouvelle pause musicale avec Daniel Potter et son titre Bad Day. It's the moment we needed the most. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee you go. And tell me your life's been way off. You had a bad day. You take me one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day. Your camera don't lie. You calm it back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. You had a bad day. You take me one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day. You see what you like. And how does it feel? One more time. You had a bad day. You had a bad day. We'll be right back. Et voilà, c'était Daniel Potter sur le 107FM, un peu plus de 8h45 et on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera une journée pluvieuse, hein, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 7 et 9 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, de la pluie et de la neige, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour jeudi, pluie et neige, et principalement de la neige, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le basket et match de qualification à l'Euro et la France a battu hier soir le Monténégro 85 à 66. Prochain match pour les Bleus, ce sera demain contre la Grande-Bretagne. Un mot sur les résultats de la NBA. L'équipe de Brooklyn de Lua Okabaro affrontait l'équipe d'Orléans d'Evan Fournier. Victoire d'Orlando, 113 à 115. 3 points et 6 rebonds pour Lua Okabaro et 21 points pour Evan Fournier en forme cette nuit. L'équipe de Washington de Miami s'est inclinée après prolongation 134 à 137 face à Milwaukee. 10 points pour le français. Et enfin, l'Utah Jazz de Rudy Gobert affrontait l'équipe de Phoenix de Okobo. Et une fois de plus, l'Utah Jazz s'est incliné 111 à 131. 13 points et 8 rebonds pour Rudy Gobert et 3 rebonds seulement pour Okobo. Un mot de tennis avec à Dubaï la qualification de Monfils en 2-7 face à Fuksovic, 6-4, 7-5. La qualification de Richard Gasquet en 2-7 face à Harris, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, Benoît Paire affronte Marin Cilic et Pierre Hugerbert se repose à Nishioka. Et au tournoi d'Acapulco, Adrian Manarino s'est qualifié hier en 3-7 face à Nori de 6-6, 3-6-3. Aujourd'hui, Hugo Humbert affronte Nick Kyrgios. Et on termine avec du football et la Ligue des Champions. Ce soir, Chelsea reçoit le Bayern Munich et Naples reçoit Barcelone. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec la chanson des Enfoirés 2020. Elle s'intitule « À côté de toi ». Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit, pas de matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, mais je dis, mais je dis, pas si on court. Si tu me tiens la main, eh bah ouais. Tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh ben ouais. Tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Sans le temps, sans le temps, pas de victoire. Sans le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, ça sent la fin. Mais je dis, mais je dis, mais je dis, on verra demain. Car si tu me tiens la main, eh ben, eh ben, ouais. Tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh ben, ouais. Tu me tiens la main. Même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, la vie est belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, ouais. Moi, je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, juste à côté de toi, moi. Je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, juste à côté de toi, moi.